pris sur le vif. Écoutez. Mademoiselle, je voudrais réserver 3 places sur le vol Air Inter de 16h50, de Paris à Bordeaux, le dimanche 6 janvier. Madame, je suis désolée. Le vol de 16h50 est complet. Quels sont les vols sur lesquels il reste des places? Le vol de 12h35 ou celui de 9h? Alors, réservez-moi 3 places sur celui de 12h35. Répétez. Mademoiselle, je voudrais réserver 3 places sur le vol Air Inter de 16h50, de Paris à Bordeaux, le dimanche 6 janvier. Madame, je suis désolée. Le vol de 16h50 est complet. Quels sont les vols sur lesquels il reste des places? Le vol de 12h35 ou celui de 9h? Alors, réservez-moi 3 places sur celui de 12h35. Écoutez. Monsieur, quand faut-il faire les réservations pour embarquer une voiture de Quiberon à Belle-Île le 1er août? Il faut s'y prendre le plus tôt possible. La location est ouverte dès le mois de janvier. Pouvez-vous me faire parvenir les heures de bateau et les conditions? Oui, monsieur. C'est à quel nom? Pierre Corbet, 6 rue Raoul Blanchard à Grenoble. Répétez. Monsieur, quand faut-il faire les réservations pour embarquer une voiture de Quiberon à Belle-Île le 1er août? Il faut s'y prendre le plus tôt possible. La location est ouverte dès le mois de janvier. Pouvez-vous me faire parvenir les heures de bateau et les conditions? Oui, monsieur. C'est à quel nom? Pierre Corbet, 6 rue Raoul Blanchard à Grenoble.